Chapitre 19e. La réponse du roi de Navarre. Devant le seuil clos, des têtes houlaient et des voix se heurtaient en produisant un brouhaha indicible. « Parbleu, je comprends, » fit Roselin. « Oui, » murmura Guillaume en souriant, « le placard. » C'était bien le papier collé au portail de bronze qui motivait cette effervescence. Tout le monde voulait approcher, voir, lire, savoir. Des remous agitaient cette foule, et ceux qui étaient devant la porte lisaient à haute voix pour ceux qui, trop éloignés, ne le pouvaient. On entendait parfois des mots, des bribes de phrases. Menteur, hérétique, comédien, gardeur de pourceaux. Et la foule faisait, à chaque injure de ce genre, « Oh, oh !» Des altercations surgissaient, des protestations virulentes ou des approbations timides, des commentaires, des questions, des exclamations à n'en plus finir. Qui a écrit cela ? Le roi de Navarre. Ce roitelet, un vrai hérétique celui-là. Eh, hey, Christo, le pape l'a excommunié, il répond. Insolence. Qui a affiché ce papier ? Et qui l'a porté à Rome ? Tout à coup, un cri jaillit, fait de mille cris semblables. Le Saint-Père ! La porte de bronze venait de s'ouvrir à deux battants. Des uniformes chatoyants, des robes rouges de cardinaux ou violettes d'évêques, et au milieu de tous, un grand vieillard blanc, vêtu de blanc, qui s'avançait, lent et majestueux. La foule s'agenouilla sous le geste auguste de la bénédiction. C'était là Sixte Quint, le nouveau pape, élu peu de temps avant, et qui n'avait pas hésité, lui, à excommunier Henri de Navarre, alors que son prédécesseur Grégoire XIII s'y était toujours refusé. C'était là l'homme qui, de Porcher, s'était élevé au trône pontifical. Quelle destinée ! Grave, impassible, le visage fermé, il fit face au peuple prosterné, marcha vers le placard, s'arrêta et lut sans donner signe de la moindre impression. Autour de lui, en cercle, cardinaux, prélats, familiers, officiers se taisaient. Devant, les fidèles inclinés, silencieux, le front dans la poussière. Ayant lu, le pape se détourna. Il donna un ordre à l'un de ses camériers. Aussitôt, 100 bras se tendirent, 100 mains se précipitèrent vers le placard pour l'arracher, pour le lacérer, le réduire en 1000 miettes. Le pape s'était retiré. Les vantaux de la porte de bronze se refermèrent et les gens les plus proches s'activèrent pour détruire le papier blasphémateur. En vain, le placard était si solidement collé que les ongles s'y cassaient, que les pointes des dagues ne faisaient que les rafler. Mais un homme apparut. Il portait un pot et un pinceau. Chacun s'écarta pour le laisser passer, et des applaudissements éclatèrent, des rires, des lazzi, quand on comprit ce qu'il voulait faire. Le pot contenait de la couleur noire. L'homme en enduisit son pinceau et en appliqua une forte couche sur l'effrontée proclamation. Il répéta cette manœuvre jusqu'à ce que l'affiche eût entièrement disparu sous la teinte de nuit. À présent, il était impossible de lire, mais le scandale avait été immense, il demeurait sans précédent. Plus d'un millier de personnes garnissaient les abords de la porte de bronze. Tous ces gens savaient, tous avaient eu connaissance de la réponse du roi de Navarre. Ce soir, Rome entière serait au courant et dans une semaine, le monde catholique serait instruit. « Voilà, » dit Roselin, « notre mission est terminée. »« Oui, et le but a été atteint, je crois. » La foule commençait à se disperser. Les deux gentilshommes suivirent les badauds. Puis ils prirent à droite et se dirigèrent vers le Saint-Office pour aller retrouver leurs compagnons. De ce côté, l'affluence était moindre. Cependant, les deux amis remarquèrent un groupe d'une dizaine d'hommes qui les regardèrent venir. Et lorsque Roselin et Guillaume ne furent plus qu'à quelques pas d'eux, l'un cria, en les désignant d'un geste violent, « Les voici, les émissaires du roi de Navarre, ceux qui ont affiché ce papier outrageant pour sa sainteté !» Comme si ces paroles eussent été un signal, tous ces gens se jetèrent sur le baron et le chevalier, l'épée haute et le poignard au poing. Mais ceux-ci avaient vivement dégainé et s'étaient mis en garde. Les coups que leur portèrent les agresseurs furent parés promptement, et à leur tour, les attaqués ripostèrent. Ils s'étaient d'abord frayés un passage, grâce à un moulinet terrifiant, et avaient reculé jusqu'à un mur proche. Sûrs, désormais, de n'être pas attaqués par derrière, ils ferraillaient avec rage. Le combat était sérieux. Il s'agissait d'en sortir victorieux au plus vite, car des curieux commençaient à s'amasser et tout à l'heure se joindraient aux assaillants. Déjà, cependant, Belcoeur avait mis hors de combat trois des bravis, dont un rendait son âme au diable. Guillaume abattait son deuxième. Il avait, il est vrai, reçu un coup d'épée dans le flanc, mais ne paraissait pas autrement s'en soucier. Il ne restait plus que six estafiers. Et encore, l'un d'eux se tenait-il à l'écart, encourageant les autres de la voix et du geste. Il avait enveloppé d'un ample manteau et caché de son mieux son visage. Mais Roselin, par de rapides coups d'œil jetés sur lui, avait pu remarquer que cet homme était grand, très brun, barbu, avec la mine fière et dure. Et Belcoeur se disait « Cette fois-ci, mon gaillard, laisse-moi dépêcher tes assassins, et tu tâteras de m'en faire. » L'homme devina-t-il cette pensée, ou fut-il effrayé de voir déjà plusieurs des siens à terre? Toujours est-il qu'il cria, ameutant les passants, « À l'aide, suceau parpaillot, à mort les gens du roi de Navarre, mort aux insulteurs du pape !»« Suceau parpaillot !» s'amusa Givry, « et moi qui suis catholique ?»« Diable !» grommela la barène, « si l'on ne peut pas faire taire ce braillard, nous aurons 100 personnes sur le dos tout à l'heure. » En effet, attirés par le bruit, de nouveaux venus s'approchaient. Ceux qui, jusque-là, avaient regardé de loin, s'enhardissaient et prenaient une attitude hostile. Et ces boutiquiers, ces tire-laines, ces rôdeurs sans épée, mais porteurs de dagues ou de poignards, se mirent à menacer, mêlant leurs cris à ceux de l'inconnu. La situation était des plus critiques. De nouveaux spadassins venaient de tomber. Mais Belcoeur et Guillaume commençaient à se sentir terriblement las. Soudain apparurent deux hallebardiers qui, sans un mot, se saisirent de l'homme qui excitait la foule et l'entraînèrent vers la ruelle de Saint-Office. Pendant ce temps, d'autres hommes entraient dans la lutte et l'un d'eux venait de porter à la varenne un coup de bâton qui avait brisé son épée. « Malédiction !» gronda Guillaume. Alors, saisissant par la lame le tronçon qui restait, il se servit de son épée comme d'une masse, frappant les têtes avec le pommeau, tandis que sa main gauche maniait la dague avec une formidable dextérité. Pourtant, le cercle des agresseurs ne s'éclaircissait pas. « Mon ami, nous mourrons ici, » dit la varenne. « Mais nous ne mourrons pas seuls, morbleu. » Et les deux gentilshommes continuèrent cette bataille effrayante, gigantesque. Tout à coup, en français, un cri retentit. « Courage !» Rapidement, Belcoeur regarda vers la droite et un sourire s'épanouit sur ses lèvres. « Corne de diable, il était temps » souffla-t-il. D'Aubigné, Rodolphe et cinq des laquais venaient d'apparaître. L'épée haute, ils fonçaient sur les assaillants qui lâchèrent pied, se débandèrent dans toutes les directions, et les deux amis se sentirent délivrés, tout haletant, les membres agités d'un tremblement nerveux causé par l'extrême fatigue. « Vite, en route !» dit Agrippa. Il entraîna Roselin et Guillaume. Les laquais fermaient la marche, et la petite troupe, à vive allure, s'engagea dans la ruelle du Saint-Office. « Merci, d'Aubigné !» firent Givry et la varenne. « Vous nous avez tiré d'un bien mauvais pas. Mais comment avez-vous su ?»« Par la comtesse d'Olchi, » répondit Agrippa. « Quoi ?» sursauta Belcoeur. « Johanna ?»« Oui. Elle est venue tout à l'heure à la carrière où je me morfondais en vous attendant. Elle m'a dit que le marquis avait préparé un guet-apens, que vous étiez en péril de mort. Je n'en ai pas écouté davantage et je suis accouru. » « Johanna, noble amie !» s'écria Roselin, ému jusqu'à l'attendrissement. « Certes, avoua d'Aubigné, cette femme a un cœur généreux et loyal. Elle vous aime, Givry. » Dans la bouche du sévère calviniste, ces paroles prenaient le relief d'une devise sur une pieuse médaille. Belcoeur le comprit et fut troublé plus encore. « Où est-elle » demanda-t-il avec chaleur. « Là-bas, à la carrière. Elle a voulu attendre pour savoir, et vous voir si possible. » Elle sait que nous partons tout de suite, elle le sait. Elle n'a rien dit, rien, mais de larmes ont jailli de ses yeux. « La pauvre aimée !» murmura Belcoeur, les yeux embués à son tour, en hâtant encore le pas. Cependant, ils avaient atteint l'issue de la ruelle et maintenant approchaient de la carrière. De loin, en y arrivant, Roselin distingua une forme féminine, immobile, guettant telle les châtelaines de jadis espérant le ménestrel. Quelques instants plus tard, les deux amants étaient dans les bras l'un de l'autre. « Johanna !» balbutia Givry. « Roselin !» exhala Johanna dans un souffle. Leur étreinte fut longue, ardente, ineffable. Minute divine, bienheureuse extase. Ils étaient seuls. Les autres s'étaient écartés. « Vivant !» fit la comtesse, vibrante. « Dieu soit loué. Ah, vois-tu, je souffre de ton départ, mon bien-aimé, mais je souffrirai moins que de te savoir ici, en butte à la haine et à la vengeance d'un tel homme. Et hélas, si j'avais pu le tenir devant mon épée, mais le lâche n'a pas osé. » Puis, la contemplant avec un amour infini, « Ma Johanna, et toi, toi qui as tout risqué pour moi, pour me protéger, me sauver. Je n'ai pu m'échapper plus tôt pour vous prévenir à temps. Enfin, tout a été évité. J'en remercie le ciel. » Et la comtesse se pressa contre la poitrine de Belcoeur et lui tendit ses lèvres amoureuses. Leur baiser se prolongeait, délicieux, lorsqu'une voix prononça timidement « Monsieur le baron. » « Hein, quoi? C'est toi, Sulpice? Qui t'a permis? Excusez-moi, monseigneur, mais je voulais vous prévenir que le marquis de Porto Carrero est ici. » « Le... lui, ici ?» bégaya Roselin, au comble de la surprise. « Eh oui, Babylas et moi venons de l'amener. »